J'ai la pression, c'est ma raison qu'aborde le thème. Sur mon bateau, je navigue vers la vérité. T'es le bâton, je suis la battue qui a tout à perdre. T'as fait le sourd quand je te criais que je t'aime. J'ai compté les grains du temps qui nous restait dans le sablier. T'en voulais trop, mais je n'avais que mon cœur à te donner. Du rire aux larmes, c'est dans tes yeux que je me suis noyée. Tu me rappelles tout ce que je devrais oublier. J'avais le mal de toi, et pourtant je suis restée là. J'ai le mal de toi, et pourtant je suis restée là. J'ai le mal de toi. Je m'en vais, je ne peux plus rester là. J'ai le mal de toi. Je me casse, je ne peux plus rester là. Je te connaissais pas tout à fait. Tu vois même pas le mal que tu m'as fait. Nous deux fallait pas dans tous mes états. Tu m'as vu et ça je le regrette. Je me suis relevé, maintenant je t'emmerde. Et qu'à cause de toi j'allais me foutre en l'air. Mais moi je savais pas que le cœur choisit pas. La honte de dire que tu es tombé pour un homme qu'en valait pas la peine. J'ai tout gardé pour moi. Je suis plus la même. Oui, je suis tombé pour un homme qu'en valait pas la peine. J'ai tout gardé pour moi. Je suis plus la même. J'avais le mal de toi, et pourtant je suis restée là. J'ai le mal de toi, et pourtant je suis restée là. J'ai le mal de toi. Je m'en vais, je ne peux plus rester là. J'ai le mal de toi. Je me casse, je ne peux plus rester là. Je pensais que j'allais jamais m'en aller. Je reste pas. T'as foutu la merde, t'oses me demander. T'en vas pas. Morter la plume vide et l'encrier. Je tourne la page. Je pensais que j'allais jamais m'en aller. J'avais le mal de toi, et pourtant je suis restée là. J'ai le mal de toi, et pourtant je suis restée là. Mal de toi, mal de toi, j'ai le mal de toi, mal de toi.